âme, se dire que cette fois, c'est la vie qu'on entame, voir s'arrondir le corps et s'agrandir le cœur, sentir qu'on est fort, pouvoir bâtir sans peur. Demain sera moins seul, plus tard sera moins lourd, et les mots qu'on se gueule, on tomberont sec et sourd. Regardez ces yeux-là, et le corps s'arrondir, on sait que c'est en toi qu'un enfant va grandir. La rondeur de ton ventre promet à l'avenir, le nouvel épicentre d'une onde de plaisir. Un enfant, un désir. L'amour ira dormir, penser que c'est le mien, le regarder sourire. Et quand dans le matin, le soleil réchauffant s'attardera un câlin sur son visage d'ange. Sentir comme on est fort pour protéger la vie, une pépite d'or, lovée dans son lit. Toucher le sentiment d'être utile à quelqu'un, regarder mon enfant et lui tenir la main. La rondeur de ton ventre promet à l'avenir, le nouvel épicentre d'une onde de plaisir. Un enfant, un désir. Sa main dans la mienne, jamais il ne tombera. À ses côtés, je veille. Imaginer sa route, penser à son chemin, puis se dire que sans doute il tracera le sien. Armé de tout l'amour que son cœur peut porter, il arrivera qu'il court, qu'il cherche à s'envoler. Alors le cœur grossit, les yeux pleins de fierté. Aura fait pour lui ce qui doit être fait. La rondeur de ton ventre promet à l'avenir, le nouvel épicentre d'une onde de plaisir. Un enfant, un désir.